la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette édition de Puissance Maximale, édition de la semaine du 10 janvier 2011. Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique, une émission de radio durant laquelle on parle, bien sûr, du monde, du jeu et plein d'autres choses à côté de ça, que ce soit les technologies et autres choses. François Gécouillard est à la console ce soir. Salut Vincent Langlois. Salut François. C'est un plaisir d'être avec toi et d'être avec vous et avec votre esprit. Et oui, on a une belle équipe autour de la table également, Puissance Maximale. Ce soir, nous avons Raymond Poirier qui est avec nous. Bonjour. Raymond, de quoi vas-tu nous parler? En fait, 2011 commence, alors on porte un dernier petit regard sur 2010. Qu'est-ce qui a le plus marché côté viral sur le web? On va voir ça dans quelques instants. Et nous avons également Andrew qui est avec nous. Salut Andrew. Salut Vincent. Andrew, tu vas nous parler aujourd'hui un peu d'actualité? En fin de semaine, il y a eu le Customer Electronic Show à Las Vegas. Oui. La fameuse Conventum de tout plein de choses électroniques que les geeks aiment tout plein. Donc, j'ai suivi ça en fin de semaine. T'as pris des notes et tu vas nous... J'ai pris des notes. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, que je vais vous parler aujourd'hui. Excellent. Et on ira également à Montréal, François, je crois. Oui, on va avoir notre amie Fraulein Evil qui va, comme ça, nous parler encore de jeux de plateau, comme elle le fait toujours si bien. On sait que Fraulein Evil s'est lancé également dans la distribution, une nouvelle compagnie dont on pourra parler également. On en a parlé il y a quelques semaines de cela. On pourra peut-être en rappeler, nous rappeler un petit peu de ce que c'est. Et moi, vers la fin de l'émission, je vous parlerai d'un jeu que j'ai essayé sur la Wii qui est Lost in Shadow, que j'ai vraiment apprécié. On pourra s'en reparler dans... environ une cinquantaine de minutes. Et on va débuter en musique. On va écouter une pièce de la nouvelle coqueluche Bernard Adamus. Peut-être pas si nouvelle que ça, ça joue dans la carrière depuis un bout de temps. Et sa pièce Le Cimetière. Vous êtes à puissance maximale. Ah ouais. We'll be right back. grand phénomène du web. Expliqué par Dr. Raymond Poirier. Et c'est maintenant le temps de cette chronique où on va faire un retour sur l'année 2010, en fin de compte, avec tout ce qui est côté web et ces petits clips viraux. Exactement. J'ai essayé de faire une sélection, disons, un peu plus sélective pour 2010. Donc, essayer de revenir sur ce qui a le plus marché. Il faut dire que de plus en plus, quand on regarde les listes de ce qui a été le plus tweeté, le plus diffusé dans les médias sociaux, le plus regardé sur YouTube, eh bien, bien entendu, on se retrouve dans les affres des vidéoclips, dans les affres des bandes-annonces de Lady Gaga à Twilight, en passant par Katy Perry et les autres. Alors, il faut quand même faire un peu de débroussaillage pour trouver en partie là, ce qui a été généré par les utilisateurs, donc du contenu qui n'était pas destiné à être un produit. J'en ai retenu trois de ce côté-là, mais en même temps, en farfouillant dans tout ça, j'ai réalisé qu'on pouvait quand même pas passer à travers et à côté d'une campagne de marketing virale qui a été extrêmement réussi, probablement la campagne de marketing viral la plus réussie à mon sens de l'histoire d'Internet, sinon l'une des plus réussies. Cette campagne de Old Spice, c'est extrêmement difficile d'être passé à côté. Elle était présente sur le web, mais elle était présente aussi à la télévision où on voyait un ancien joueur de football, Isaiah Mustafa, qui faisait plein de trucs absolument absurdes. Peut-être un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with two tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamond. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. C'est n'importe quoi, cette pub-là. C'est complètement n'importe quoi. C'est peut-être un peu la stratégie, d'ailleurs, parce que si on se replace dans le contexte, avant de lancer cette campagne-là, Old Spice était un peu dans une situation où la jeune génération regardait ce désodorisant et disait, c'est pour les vieux. Et donc, l'objectif de la compagnie de publicité derrière cette campagne-là, ça a été un peu justement de redorer le blason, de dire, oui, c'est un produit qui existe depuis 70 ans, mais c'est un produit qui est expérimenté. Qu'un peu comme avec la bicyclette et le reste, mais c'est avec l'expérience qu'on gagne en puissance et qu'on atteint la puissance maximale. Alors, ils ont décidé d'aller avec cette publicité également profondément absurde où on parle du produit, mais on en parle en des termes qui relèvent littéralement du n'importe quoi. Et également une campagne où on n'a jamais dit aux gens « diffusez cette publicité-là ». Et très rapidement, quand les premières images, quand les premières publicités ont été mises en ligne et ont commencé à être redistribuées, à être redirigées dans les médias sociaux un peu partout, ça a très, très bien fonctionné. Ce qui fait qu'on a décidé d'intensifier cette campagne-là. Et tranquillement, Isaiah Mustafa s'est mis même à répondre à des internautes. Donc, on pouvait écrire un commentaire et lui allait tourner un spot spécifiquement pour toi dans lequel il allait te répondre. Il y en a eu à peu près une centaine de tout ça. Et ça a été également extrêmement populaire, ce qui a fait d'ailleurs, parenthèse, que 36 heures après qu'on se lance avec ce processus de questions-réponses qui est un peu le point culminant de cette campagne de marketing-là, il y avait 23 198 055 personnes qui avaient visionné le canal de Old Spice sur YouTube en 36 heures. C'est quelque chose. C'est un type d'humour qui fonctionne vraiment. Puis regardez là. Ouais, mais c'est drôle, en regardant la vidéo, j'aurais jamais cru que ça aurait été, ça serait devenu un phénomène viral. C'est le côté absurde. C'est le côté absurde. Je pense également, c'est dans la dynamique. Tu sais, regarde ton homme, regarde-moi. C'est vraiment rapide. Puis ce petit côté-là, justement, fait que on retient, on sourit, on esquisse un sourire. Puis après, ça, on retient le produit. Et en même temps, on l'a toujours dit dans cette chronique-là, ce qui marche sur le web, c'est ce qui est drôle, c'est ce qui est rigolo, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Et si, côté marketing, on veut se démarquer, il va falloir justement réussir à faire quelque chose qui répond à ces critères-là, mais sans avoir l'air d'essayer de répondre à ces critères-là. Parce que quand ça n'a pas l'air honnête, les gens le perçoivent et ne le diffusent pas. Donc, en ce sens-là, je pense que l'ensemble des compagnies peuvent prendre exemple autour de cette campagne-là et se dire, voilà, du marketing viral réussi. Mais en même temps, ils peuvent pas non plus essayer de limiter parce qu'ils vont simplement avoir l'air d'une imitation de cette campagne réussie-là. L'agence derrière ça, c'est Wieden Kennedy, donc WK. Très solide comme campagne qui probablement donc regarde l'un des gros phénomènes viraux de cette année. On met de côté ça quand même parce que ça reste des éléments qui étaient souhaités. Et donc, on souhaitait quand même une diffusion derrière ça. Et je trouve beaucoup plus sympathique ces phénomènes qui arrivent de manière... inopiné de manière complètement inattendue, comme cette sympathique chanson. Wow, that's a full rainbow all the way. Double rainbow, oh my god. Double rainbow, it's a double rainbow all the way. Damn, it's a double rainbow all the way. Et là, on entend en fait un petit extrait d'une version autotune d'un clip qui s'appelle Double Rainbow. Je vous incite d'ailleurs à aller voir le clip original aussi. Il faut dire, parenthèse, que 2010, c'était également l'année d'autotune. Vraiment, on en a... on a exagéré là-dessus. Mais il y a quelques chansons qui ont marché. Double Rainbow, qui est un des clips qui a connu un vif succès cette année, pour vous dire à quel point le type derrière ce clip-là a été engagé par Microsoft pour une campagne de publicité autour de nouveaux logiciels de cette compagnie-là au terme de l'année. Donc, cette personne-là, en fait, c'est Hungry Bear 9562, aussi connu sous le nom de Yosemite Bear. Donc, c'est un pompier de Los Angeles qui a été s'installer au parc national de Yosemite, qui a vécu une vie assez ardue, qui a même fait de la lutte extrême, et qui, à un moment donné, mais s'est retrouvé donc dans le parc de Yosemite et a vu un phénomène absolument ahurissant, un phénomène qui est exceptionnel, qui arrive peut-être une fois par semaine, une fois par deux semaines dans la vie normale. En fait, il a vu deux arcs-en-ciel côte à côte. Donc, Double Rainbow, en fait. Et le clip, essentiellement, c'est lui qui, pendant cinq minutes, est en extase devant ce phénomène. Et il a dit, d'ailleurs, dans une entrevue par la suite, que l'arc-en-ciel, c'était l'univers ou l'esprit qui le traversait. La réaction qu'on entend dans ce clip, c'est sa réaction au moment de voir l'Esprit Saint, un peu comme lorsque Moïse a vu le buisson ardent dans le film Les Dix Commandements. Rien que ça. Rien que ça. Alors, on comprend, et dans les petits critères habituels, c'est drôle, c'est surprenant, c'est inhabituel. On comprend que ce clip-là a généré quand même beaucoup, beaucoup d'attention. C'est complètement surréaliste. Donc, l'un des principaux clips viraux de 2010, allez taper Double Rainbow et vous allez tomber là-dessus. Et dans le registre remix d'Autotune, il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Bad Intruder. Obviously, we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows. He's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, 'cause they're raping everybody out here. En français, il nous dit, ben évidemment, nous avons un violeur à Lincoln Park. Il monte dans vos fenêtres, il enlève vos gens, il essaie de les violer. Donc, vous devez cacher vos enfants, cacher votre femme, cacher votre mari, parce qu'on viole tout le monde ici. Alors, c'est des paroles qui sont devenues légendaires. Et ce clip-là et les clips qui sont reliés à celui-là, c'est probablement ceux qui ont été les plus visionnés sur YouTube en 2010. Pour remettre un peu en contexte, c'est un type, Antoine Dodson, qui était chez lui avec sa famille, regardait la télé, sa sœur était dans sa chambre, et quelqu'un qui est monté par la fenêtre qui a tenté de violer la dite sœur. Les cris ont alerté la famille, le frère Dodson qui est rentré, qui a fait fuir l'assaillant. Et réaction normale, tout de suite après, on a appelé les médias pour leur dire « Ben, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un violeur qui est en liberté ici. » Et quand la caméra est arrivée avec la reporter, eh ben, Dodson était toujours très fâché. Alors, les paroles ont sorti, donc ce qu'on vous a lu il y a quelques instants, et c'est devenu légendaire. Donc, d'abord, une vidéo d'information, un extrait des nouvelles que quelqu'un a mis sur la toile. Et suite à ça, eh ben, il y a d'autres gens qui ont les frères Gregory, en fait, qui ont vu le potentiel dans cet extrait-là et qui ont décidé de faire la pièce dont on a entendu un extrait, donc le Bad Intruder Song. Ça a d'ailleurs été extrêmement populaire. Ça montre le succès du clip viral. Mais la vidéo était pas populaire avant qu'il se transforme en chanson. La vidéo était populaire avant qu'il se transforme en chanson, mais il a été encore plus depuis qu'il s'est transformé en chanson. Et d'ailleurs, même si le vidéo a été fait il y a de ça quelques mois, toujours aujourd'hui, quand on regarde là, les 100 vidéos les plus diffusées sur la toile, eh ben ça reste toujours dans le top 100, même dans le top 50, même après plusieurs mois. Donc, ça montre quand même que le phénomène a une durabilité, ce qui est la clé d'ailleurs pour devenir l'un des principaux clips de l'année. Pour vous donner les statistiques, c'est monté jusqu'au 25e rang des chansons les plus achetées sur le site iTunes. Les premiers deux jours où la chanson était disponible, elle a été téléchargée 10 000 fois. Et éventuellement, c'est même entré dans le Billboard Hot 1000. C'est monté jusqu'au numéro 89. Alors, c'est quand même pas rien. Et par la suite, bien entendu, cette chanson-là a traversé aussi dans le vrai monde. On peut pas connaître un aussi grand succès en restant seulement sur la toile. Il y a eu des covers de punk rock, des fanfares d'université, d'écoles secondaires, de collèges qui l'ont repris pour leur parade de fin d'année. Il y a une chorale qui le fait également. On voit tous ces clips-là sur le web. C'est absolument hilarant. Ça a généré aussi beaucoup de sous pour Antoine Dunson, pour les frères Gregory. D'ailleurs, Antoine Dunson a dit, depuis, regarde, on a pu s'acheter une maison avec l'argent cash et quitter ce lieu où on s'était presque fait violer. Alors ça, c'est la belle histoire de l'année, j'ai l'impression, le Bad Intruder, et ça vaut la peine d'aller voir ce clip. Et peut-être en terminant, on a passé une belle histoire, on va aller avec une histoire un peu moins belle qui a beaucoup marqué, et je pense qu'on peut mettre en parallèle, en fait, deux dossiers qui ont pour lien la question de 4chan. Donc 4chan qui est un peu le cœur du web, là où tous les geeks, les hackers et un peu tout le monde qui s'amuse avec la toile, mais de manière pas toujours correcte, légale ou adéquate, se trouve. Et il y a deux gros dossiers qui ont fait parler de 4chan cette année. Donc, d'un côté, il y a la question de WikiLeaks, qui est un peu incontournable quand on parle de phénomène web, avec l'Operation Payback, où on visait justement à littéralement un appel à la vengeance de Julian Assange, qui s'était fait couper ses crédits par PayPal, par Visa, par Mastercard. Donc, des attaques contre les banques, des attaques contre des compagnies de cartes de crédit, des attaques contre PayPal. Ils ont réussi à paralyser pendant quelques heures, voire même des dizaines d'heures dans certains cas, ces sites importants. Et ça a montré que ces groupes Internet-là pouvaient avoir une réelle influence dans le monde réel, et que ça a même mis en place les bases pour certains de ce qui pourrait être une guerre cybernétique. Mais en parallèle, on peut se demander aussi qu'est-ce que font les gens de 4chan lorsqu'ils n'ont pas de cause chevaleresque à défendre. Eh bien, on a vu l'autre exemple, peut-être le contre-exemple de ceux qui veulent voir une certaine noblesse dans l'Operation Payback. C'est tout le dossier de Jesse Slater. On en a parlé dans une précédente chronique. Donc, essentiellement, ces gens qui sont donné la peine et ont eu le pouvoir de paralyser Visa et Mastercard, qui ont décidé pendant quelques jours persécuter une fille de 11 ans. Je trouve ça vraiment, ça montre le côté pathétique peut-être un peu de 4chan. Indépendamment de d'excuses, de provocations et le reste, c'est un peu troublant de voir des gens dire vouloir influencer comme ça le sort du monde, mais qui dans leur loisir, finalement, ont fait beaucoup parler d'eux en harcelant donc une petite fille comme ça, indépendamment de l'aspect très irritant et très ridicule des clips qu'elle a mis sur le web. Alors c'est peut-être deux éléments à mettre en parallèle et de se dire que 2011 aurait été certes une année ou encore, donc des 2010, pardon, aurait été une année où des gens ont pu se démarquer à travers le web, où le marketing viral a peut-être pris son envol, mais où aussi on a réalisé de manière véritablement tangible les possibilités d'Internet et de son impact dans le monde réel, autant pour, j'allais dire le meilleur, mais disons le plus chevaleresque que le plus pathétique. Allons-y avec ces deux extrêmes-là, parce que, bien entendu, notre regard d'Operation Payback change tout dépendant du regard qu'on porte sur WikiLeaks. Et je ne veux pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Et merci beaucoup, Dr Poirier. Ça me fait plaisir. On se revoit sûrement dans 4 semaines, comme à l'habitude. Donc, la revue des phénomènes viraux de l'année, puis on mettra les liens, évidemment, sur le site Internet de Puissance Maximale. Sinon, on va écouter une pièce. On va écouter, pourquoi pas, une autre pièce de Mister Valère. La pièce s'appelle Lilhammer. Et l'album de Mister Valère est téléchargeable gratuitement sur Internet. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et comme à chaque mois environ, on reçoit comme ça la visite de notre ami de Montréal, donc Chantal Campagna, alias Fräulein Evil de Distribution Dude, qui vient nous parler de jeux de plateau. Salut Chantal! Allô! Donc, tu dis-moi, là, ça commence en Lyon, Distribution Dude, là, tu vas nous parler en premier lieu de Rock Band Manager. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, Rock Band Manager, c'est le dernier jeu d'Antoine Boza. Antoine Boza, on le sait, c'est celui qui a fait Ghost Story. C'est aussi lui qui a fait La Chasse aux Monstres avec Christian Lemay, du Scorpion Masqué. Alors, Rock Band Manager, ce n'est pas un jeu pour enfants, malgré la beauté des images. C'est vraiment très, très cute. C'est un nouvel illustrateur italien qui arrive sur le marché, qui s'appelle Raúl Castellanos. En fait, c'est un espagnol, pardon. Donc, dans Rock Band Manager, ce qu'on essaie de faire, c'est un jeu d'enchères et les joueurs vont tenter de monter et de gérer le meilleur groupe de rock. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire du cash. Alors, pour l'ensemble de la partie, les joueurs vont avoir 9 enveloppes qui vont de 1 000 à 9 000 $. Et quand tu achètes, entre guillemets, un membre de ton band, si ton membre, par exemple, te coûte 2 000 $ et qu'il ne te reste que 3 000 $ dans ton enveloppe, tu n'auras pas de change. Donc, il faut gérer vraiment notre argent avec le plus d'intelligence possible, pas faire semblant qu'on est le gouvernement. Donc, chaque membre de notre band va avoir certains talents. À la fin de chaque manche, les talents vont rentrer en ligne de compte. Si on a fait des concerts, si on a fait des disques, on va récolter des points. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui a totalisé le plus de décibels qui est logiquement désigné grand vainqueur. Donc, Rock Band Manager, c'est de 3 à 6 rockers à partir de 10 ans. Excellent. Et également, nous avons « C'est moi le patron ». Oui, c'est moi le patron, c'est un jeu de stress, c'est un 3-6 joueurs, c'est un jeu de Sid Jackson, en fait, qui a très bien vieilli et qui est édité en français pour la première fois. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des affaires. Sur le plateau, il y a 16 affaires potentielles et on va essayer de négocier avec les autres joueurs pour essayer de trouver les investisseurs qui sont spécifiques ou les membres de clans qui sont nécessaires pour conclure d'affaires. Le problème, c'est qu'on a beau faire nos affaires le mieux possible, les autres joueurs peuvent nous voler nos deals en jouant des cartes « c'est moi le patron » quand nous, on a terminé de négocier. Donc, il faut vraiment y aller avec des alliances. En fait, il faut faire vraiment attention à qui on va faire confiance. Donc, c'est moi le patron, c'est à partir de 12 ans, et c'est pour les gens qui n'ont pas de problème cardiaque. Un petit jeu de stratégie également. Oui, c'est de stratégie, oui. Un autre jeu, Constantinopolis. Constantinopolis, c'est un magnifique jeu de gestion. En fait, ça a été comparé un peu à Porto Rico, entre autres, Cuba. C'est le genre de jeu un peu hermétique, mais quand même très, très bien de gestion, où on a comme un petit napperon devant nous avec nos bébelles. Et le plateau central sert plus à emmagasiner les ressources qui sont communes. Donc, à chaque tour, comme dans Porto Rico, on va choisir un personnage et on va le jouer. Par contre, dans Constantinopolis, il y a un tour d'enchères au début du tour qui vraiment va donner le ton, parce que ça peut être des enchères qui sont assez coupe-gorge, pour aller chercher les personnages. Et les personnages vont nous donner des bonus particuliers pendant le tour de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont en latin. On est quand même à Constantinople au 6e siècle, donc on ne joue pas Zanaglais. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Constantinopolis, de 2 à 5 constructeurs navals à partir de 12 ans. Excellent. Et également, nous avons Emoticon. Emoticon, c'est un mélange de jeux de bataille et de jeux de levée. C'est un jeu qui nous est offert par Bruno Finduti. Alors, lui, il fait plus beaucoup de jeux, mais on dirait qu'il en sort des meilleurs, en fait. Donc, c'est Finduti qui nous sort ça. C'est pour 4 à 8 joueurs et c'est un jeu, en fait, les cartes, les images vont chercher les émoticons les plus populaires qu'on retrouve sur l'Internet. Donc, il y a le gars fâché, il y a le gars qui pleure, il y a le gars content. Et c'est chaque carte vaut un certain nombre de points. À la fin de chaque tour, on va compter les points en fonction du carte du nombre de cartes pareilles sur la table. Et c'est seulement le joueur qui a le plus de points dans cette manche-là qui va récolter des points. Donc, un peu coupe-gorge, mais ça quand même bien parce qu'il y a une belle interaction entre les joueurs, parce qu'on peut donner un coup de main et évidemment se faire aider un petit peu plus tard pendant la partie. Donc, 8 ans et plus, 4 à 8 joueurs, émoticons. Et on termine avec l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus! Ah! Enfin, ça, c'est un jeu où on peut jouer les bons ou les méchants, évidemment. C'est pourquoi on l'aime. C'est un jeu avec une mécanique assez fluide de donnage d'ordre, un peu comme on retrouve dans StarCraft, dans Game of Thrones. Donc, on essaie de contrôler le territoire le mieux possible et on peut jouer les loyalistes ou on peut jouer les renégats. Donc, les deux joueurs vont commander des légions sans porte de Space Marine ou des anciens fiers pervertis par le chaos. Donc, c'est vraiment de toute beauté. C'est seulement deux joueurs. C'est une grosse boîte qui pèse à peu près 8000 livres avec 40 millions de pitounes dedans. C'est vraiment de toute beauté. Et ce qui est vraiment trippant, c'est de voir le chaos triompher et pourquoi pas. Ça peut bien arriver de temps en temps. Oui. Bien, merci beaucoup, Chantal. Tu nous as parlé de Rock Band Manager, de C'est moi le patron, Constantinopolis, de Émoticon et l'hérésie d'Horus. Oui. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour des nouveaux jeux. Ben, c'est super. Bonne fin de semaine. Merci. À la prochaine. Alors, c'est maintenant le temps de passer à la musique, Andrew. Hey Andrew, ton micro n'est pas ouvert parce que c'est moi qui ai pris le contrôle de la console et tu n'auras pas le droit de parler à l'émission. Alors... Andrew. Et oui, on va y aller en musique, comme à l'habitude, après une chronique. Et on va y aller avec Messer Chops. On parle ici de Devil Exit from Fashion. Et vous allez entendre ça sur Puissance Maximale, c'est KIA. Minasan, konnichiwa. Nihon dewa Naruto dake janakute, minasan, minna de igo o shiteru. Soshite na, Quebec ni mo igo o shite kudasai. Ima kara puissance maximale kite kudasai. Et nous sommes de retour à Puissance Maximale, comme on le disait si bien en japonais. Andrew peut nous traduire tout ça immédiatement, parce qu'Andrew, c'est notre chroniqueur du monde nippon, du monde japonais, mais également un chroniqueur de technologie et de jeux vidéo et tout ce qui a rapport finalement à la technologie. Andrew, tu vas nous parler aujourd'hui d'un colloque que tu as suivi à la télé. Oui, exactement. En fait, en fin de semaine a eu lieu le Customer Electronics Show, qui est toujours, dans le fond, le genre de petit conventum qui présente les nouvelles technologies, un peu l'équivalent du salon de l'auto, si on veut faire un parallèle. Au niveau de la technologie. Au niveau de la technologie qui a lieu à Las Vegas chaque année. Là, tu parles du Customer Electronics Show, le CES, et vraiment dirigé, customer, ça le dit tout de suite, vers le client. Oui, exactement. Mais il n'y a pas nécessairement, c'est vraiment de la présentation de ce qui s'en vient. Oui, exactement. Mais en fait aussi, malgré le titre, c'est pas tout le temps, c'est pas ouvert au public, c'est ouvert aux commerçants et dans le fond aux médias. La seule raison pourquoi ça s'appelle customer, dans le fond, c'est les produits orientés vers le client. Donc, dans le fond, c'est des produits qu'on va retrouver dans les boutiques, soit au courant de l'année ou au courant des prochaines années. Donc, comme au salon de l'auto, il y a toujours des prototypes aussi qui présentent et qu'on n'a pas forcément disponibles dans l'année. Je vous dirais, le CES, normalement, c'est une année où on a beaucoup de nouvelles technologies qui sont présentées, des fois qu'on est ébahi et qu'on fait des « Oh mon Dieu, c'est donc bien génial, on en veut tous dans nos maisons ». Comme l'année passée, c'était le dévoilement des premières télévisions trois dimensions avec les lunettes, avec Sony et Samsung et compagnie qui avaient présenté ça, que tout le monde était impressionné par la qualité du 3D des écrans et tout ça. Cette année, ça a été encore l'année du 3D au niveau du CES. Qu'est-ce qui a été un petit peu ma déception au niveau du Conventum cette année? Parce que je m'attendais justement à une nouvelle explosion du format de télévision 3D. Mais on est resté quand même dans les mêmes bases que l'année passée, sauf avec quelques améliorations. Néanmoins, ça reste qu'il y a eu quelques bonnes annonces de produits déjà disponibles ou bientôt disponibles qui ont quand même attiré mon attention. Juste un exemple comme ça, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une chronique à un moment donné pour parler un peu du Nintendo 3DS. Dans le temps, j'avais fait la chronique basée sur une rumeur qu'il y avait eu sur un site qui s'appelle Sankaku Complex. Oui. D'ailleurs, on se rappelle que quand même une bonne partie des éléments que j'avais décrits se retrouvent vraiment dans la fiche technique qui est annoncée par Nintendo. Oui, c'est ça, parce qu'on sur le site, on disait avoir en main une de ces copies de 3DS, de l'avoir montré. Même, je pense qu'il y avait une photo sur le site. Exactement, et c'est identique à ce qui a été présenté là au 3 quelques mois après. Et aussi en même temps, ben on avait parlé aussi de la nouvelle technologie au niveau des écrans qu'il y avait sur la 3DS qui faisait du 3D mais sans lunettes, avec un principe là, d'angle d'image qui changeait très rapidement, donnant une illusion de 3D là au niveau là de tout ça. Et au niveau, le défaut qu'il y avait eu avec cette technologie, c'était dans le fond qu'on fallait qu'on soit vraiment en avant de l'écran et on n'avait aucune marge de manœuvre au niveau du pourcentage d'inclinaison, sinon on perdait le 3D. Qu'est-ce qui faisait en sorte que ces écrans-là étaient adéquats pour des consoles portables au niveau des cellulaires, mais qui ne l'étaient pas pour une télévision? Cette année, Toshiba a montré un ordinateur portable qui appliquait cette technologie-là et qui avait un logiciel intégré dans l'ordinateur portable que la webcam suivait le visage de la personne et dépendamment de l'endroit où le visage se trouvait, ça faisait en sorte que le 3D s'arrangeait pour être bien visualisé et ainsi ne pas perdre l'effet 3D que l'écran peut donner. Qu'est-ce qui est quand même une évolution au niveau de cette technologie-là? Aussi, en même temps, on a eu certaines annonces au niveau des compagnies de jeux vidéo. Nous avons eu Microsoft qui a eu une conférence de presse au niveau du Kinect. Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec Kinect, hein, parce que ce qu'on a eu à date, c'est seulement la base. Exactement. Ben, la première des choses, Microsoft ont fait un point de presse au niveau de comment allaient les ventes du Kinect. En fait, ça a été très surprenant. Microsoft disait s'attendre à vendre à peu près 6 millions d'exemplaires à peu près en date du CES, à partir de la date de lancement. Ils en ont vendu 9 millions. millions, ce qui est quand même 3 millions de plus que leur objectif. Donc, Microsoft considère que la Kinect est un succès au niveau marketing et technique. Est-ce qu'ils ont dit, j'imagine aussi là, que c'est pas seulement ceux qui avaient déjà une Xbox 360, il y en a également qui ont acheté les paquets, les bundles qu'on dit en mauvais français, dans lequel il y avait justement une... On a des nouveaux joueurs finalement de la Xbox. Là. Il y a des gens vraiment qui sont allés vers la Xbox en achetant le paquet Xbox et Kinect. Kinect, exactement. Donc, ils considèrent exactement que c'est justement que c'est un franc succès parce qu'il y a du monde qui ont opté aller vers le Kinect au lieu de la Wii. D'après certains sondages qu'ils avaient fait avec les personnes qui achetaient la console avec le Kinect. Aussi, en même temps, il y a eu beaucoup d'unités Kinect qui se sont vendues tout seules, sans console, pour des principes de hack. Il y a certains hacks qu'il y a eu sur Internet. C'est sûr, Microsoft ne sont pas très contents de ça, mais ils se disent « Ben, le Kinect s'est vendu. » Ben, ils devraient prévoir la donne. Ils ont dû prévoir ça. Ben, il y a eu beaucoup de hacks. D'ailleurs, Microsoft ont avoué pendant le CES qu'ils ont vu des hacks du Kinect appliqués à des ordinateurs qu'eux n'avaient pas pensé et qu'ils ont trouvé très intéressant. Il y a eu une modification qui a été faite sur le Kinect pour, au lieu d'avoir un touchscreen, que la fonction touchscreen soit appliquée au Kinect. Dans le fond, qu'on n'aurait qu'à faire le geste dans le vide et dans le fond, le Kinect ferait la transposition à comme si on touchait un écran. Ah. Donc, Microsoft n'avait pas pensé que le Kinect pourrait faire ça, mais il le fait. Donc, c'est quand même très bien, c'est des nouvelles. Donc, peut-être des évolutions futures, peut-être verront-on un Kinect branché sur l'ordinateur. Qui sait? On ne sait jamais. Ça pourrait bien se faire. Aussi, en même temps, j'ai vu... au niveau du CES, la machine de jeu ultime pour le gamer. Donc, elle est déjà disponible sur Internet. Le CES, on présente... la compagnie, en fait, s'appelle Origin. L'ordinateur, c'est le Origin PC. La machine, tu coûtes environ des alentours de 17 000 $. Donc, c'est de la machine. Au niveau de l'ordinateur, on parle d'une carte mère de gaming avec fonction d'overclocking et tout le kit. Les processeurs, on parle des derniers processeurs i7 extrêmes que Intel ont sortis sur le marché, overclockés. On parle de deux cartes vidéo, c'est les dernières Radeon de ATI qui ont été sortis sur le marché en Crossfire, donc on parle d'une grosse machine. Les disques durs, c'est du SDD en RAID 0, donc on parle d'une machine qui ont un taux de transfert de données très impressionnant. En fait, c'est quasiment un ordinateur expérimental à ce point-là, mais qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout est fait avec un système de refroidissement à l'eau, donc le water cooling, et il y a une PS3 et une Xbox 360 intégrées à même la machine. Wow! Donc, c'est une armoire à glace, sérieusement. On regarde ça, c'est gigantesque. On voit une moitié ordinateur et une moitié console de jeu. C'est vraiment très impressionnant à regarder au niveau là, de la machine. C'est quand même très dispendieux. Moi, personnellement, je me dis, mettre une seconde hypothèque sur la maison pour acheter un ordinateur, c'est peut-être un peu trop. Ça vaut pas la peine. Mais on sait jamais, si quelqu'un, un de nos auditeurs, écoute, gagne la loto et qui veut s'acheter le système parfait, Origin PC, disponible sur Internet. Il y a des délais, par contre, parce que c'est entièrement fait à la main et non pas à la chaîne. Donc, ça rajoute encore plus à la valeur de la machine. Wow! Peut-être pour conclure, parce que je disais que c'était l'ère du 3D, encore une fois, au niveau du CES, on ne se cachera pas qu'il y a eu énormément de téléphones qui ont été annoncés au niveau là, du CES, des téléphones qui avaient possibilité de photos 3D, filmer en 3D, l'écran 3D que Nintendo utilise pour leur console. Les TV, ça a été la même chose. La seule chose que je dirais au niveau du 3D qui a eu une évolution, c'est qu'une compagnie s'est avancée pour dire qu'ils font des lunettes universel. Parce qu'on sait que maintenant que vous achetez une TV 3D Panasonic et une TV 3D Sony, ils n'utilisent pas le même système de lunettes pour faire le 3D de leur télévision. Cette compagnie a décidé de dire c'est inutile, ça sert à rien de faire des lunettes différentes. Nous, on sort des lunettes universelles qui vont faire sur n'importe quelle télé et qui vont être moins dispendieuses que les originelles. Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que l'économie va être si grande? Pour l'instant, il n'y a aucun prix d'annoncé. Par contre, au niveau du fonctionnement, les journalistes ont l'air de dire que effectivement, les lunettes fonctionnent autant avec une TV ou une autre, ne nécessitent pas de changement de verre et s'adaptent dépendamment de la TV. Donc, très intéressant à surveiller pour les propriétaires de télévision 3D. Excellent. Bien, c'était Andrew qui nous parlait du CES qui s'est passé en fin de semaine dernière, c'est ça? Exactement. Et si vous voulez avoir plus de détails, un site Internet qui a fait la couverture complète, c'est engage.com. Engadget, en fait. C'est engadget.com. Vous pouvez faire un petit Google, vous allez le trouver tout de suite. Excellent. Bien, on va passer tout de suite en musique. Avant de revenir avec une petite critique du jeu Lost in Shadow de la Wii, on y va avec les frères Goyette et Bonheur d'un petit vieux. Vous écoutez ça sur Puissance Maximale. J'ai jamais trusté la ville, j'ai de loin préféré les sentiers, marcher d'un feuille l'automne. Rien à voir, non, rien à voir avec le fait que moi, dans le trafic, la moindre lumière rouge me faut. Non, je veux rien savoir des gros salaires, tant qu'à moi, le bonheur réside d'un dessert. Rien qu'un goldur pour être heureux. C'est pas parce que je reste de rapport de nom et que j'ai mis une grosse croix sur le câble que je fête moi Noël. La crèche vivante est dans mon garage. Savoir des hôpitaux, tant à moi le meilleur remède est de boire de l'eau. 4 litres d'eau derrière la cravate. J'ai de belles selles, j'ai de l'appétit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, pas une tarte au sucre. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. De retour à Puissance Maximale à cette émission de radio sur le monde ludique avec Andrew Castegan également en studio. Eh bien, la semaine dernière, pour la chronique jeux vidéo, je vous parlais un peu de mes attentes en 2011 au niveau du jeu. Et j'ai nommé une de mes attentes qui sortait cette semaine, donc mardi de la semaine dernière. C'est le jeu Lost in Shadow de la Wii qui a été créé par Hudson Games. En plus, t'es même venu nous teaser sur Twitter, Vincent, pour nous dire à quel point là, que t'en attendais de ce jeu-là. Ben oui, mais je l'attendais, c'est certain, parce que moi, toutes les fois que la Wii, toutes les fois que Nintendo se lance dans une exclusivité, je me dis, je pense que ça va valoir la peine à tout le moins de le louer et sûrement de l'acheter. Puis vraiment, à toutes les fois, là, on parle souvent de jeux de consoles qui sont multiconsoles. On parle beaucoup également, Andrew, de consoles qui nous font croire, justement, en fin de compte, que ce soit la de Microsoft, la Xbox ou le PlayStation de Sony, on pense toujours à... Ils nous parlent d'exclusivité, bien sûr, ces jeux-là sortent en exclusivité, mais 6 mois plus tard, on les retrouve en multiconsole. Avec Nintendo, c'est des choses qui arrivent moins, et c'est ça qui est le fun avec la Wii. On parlait tout à l'heure, justement, de ce que Kinect peut faire, que les gens optent plus pour Kinect ou pour peut-être le PlayStation Move que la Wii maintenant, justement parce que la Wii s'est déjà un petit peu dépassée au niveau graphique. Ça l'était déjà même à sa sortie. Mais Nintendo arrive toujours avec des exclusivités, un peu comme Lost in Shadow. En fait, Nintendo ont toujours un as dans leur manche. Tout à fait, puis c'est ce qui fait que la Wii se vend encore, d'après moi. Eh bien, Lost in Shadow, c'est un jeu de plateforme dans lequel on contrôle une ombre qui doit retrouver son corps. On est sorti de notre corps en début de jeu, dans la petite cinématique, et on se retrouve, notre corps qui est en transe, qui est suspendu dans le haut d'une tour, et notre ombre est sortie par ça a l'air d'un méchant, en fin de compte, un méchant monsieur qui nous sort ça de notre corps, qui sort notre ombre, et la tire en bas de la tour. Et le but, c'est de faire monter cette ombre vers le retour, sûrement retrouver notre corps, parce que j'ai pas encore terminé le jeu, mais j'ai joué quand même beaucoup d'heures à ce jeu-là pour l'essayer. Un jeu de plateforme, bon, on parle d'ombre, tout ça, on se souvient l'année passée, en 2010, le jeu Limbo sur Xbox qui est sorti, puis là, on se dit, bon, Nintendo nous sort un jeu, est-ce que ça va ressembler à Limbo ou pas? Bon, Limbo, parce que Limbo, quand même, on peut dire que c'est un jeu de plateforme et de puzzle, un peu dans le style de Lost in Shadow. Ouais, ben en fait, c'est un platformer puzzle, car dans le fond, ça reste à la base d'une plateforme, mais on doit trouver la façon d'avancer en mettant des objets ou des choses comme ça. Donc, ça reste de la famille des puzzles. Oui, également. Ben, c'est ce qui arrive avec Lost in Shadow. Au début, on doit choisir, bien sûr, comme bien des jeux de puzzles, choisir entre trois niveaux, quelques niveaux de difficulté que ce soit. Facile, moyen, difficile. Moi, je suis tout de suite allé à difficile parce que je me dis, bon, tant qu'à l'essayer, essayons-le vraiment comme il faut, au maximum. Et je ne l'ai pas regretté parce que c'est vrai que le niveau de difficulté va de plus en plus grandir, en fin de compte, de plus en plus où on joue. Toute l'action du jeu se situe au niveau de l'interaction lumière, objet, lieu réel qu'on voit et l'ombre de notre personnage et l'ombre de ces lieux réels-là qui sont projetés. C'est comme si l'écran était divisé en deux plans. On a le plan, le premier plan, l'avant-plan de l'écran où on a vraiment les lieux réels, les murs, tout ça. Et nous, ce qu'on joue, on joue dans l'arrière-plan, on joue dans l'ombre, on joue toujours l'ombre de notre personnage. On voit vraiment les murs en réel et on voit leur ombre sur le deuxième plan et notre personnage, lui, doit avancer là-dedans. Et le jeu se divise en niveaux, donc on doit passer différents niveaux pour monter dans le haut de la tour. Ces niveaux-là se font sur différents étages de la tour. Donc, dans un niveau, on peut monter 2 à 3 étages de la tour sans arrêt. Comment qu'on passe un niveau, en fin de compte, ce qu'on doit faire, c'est affronter quelques ennemis. Par hasard, les premiers ennemis qu'on rencontre, ce sont des araignées, comme dans Limbo. Dans Limbo, il y a une araignée géante qui nous attaque. Mais c'est bizarre. Peut-être que les araignées sont plus faciles à faire en nombre que toute autre bibitte ou quoi que ce soit. Je me dis peut-être qu'un scorpion, ça aurait pu être intéressant aussi. Ben, ça reste quand même une boule avec 8 pattes. Là. Oui, c'est ça. De très compliqué à faire en niveau d'ombre. Très facile. Et donc, des araignées, quelques flèches également qui nous sont tirées par-ci, par-là. Et le but pour chacun des tableaux, c'est de ramasser des yeux. Il y a comme des yeux rouges qui sont dans le tableau. C'est de se rendre où ils sont, de les trouver finalement avec les différents mécanismes et puzzles qu'on doit faire. En trouver 3 par tableau. Et une fois qu'on a trouvé les 3, on peut se rendre au mur de la fin. Chaque tableau termine par un genre de mur ombragé, comme si c'était une fumée. Et si on n'a pas les 3 yeux, on ne peut pas passer au travers du mur. Alors, une fois qu'on a collecté les 3 yeux, on peut tomber dans le tableau suivant. Et pour monter, pour se déplacer, bien, on doit faire du déplacement d'ombre où, avec la Wiimote, on va justement sélectionner et faire du gauche à droite sur les ombres en les déplaçant avec des curseurs. Et c'est un peu ça la magie du jeu. Ça ressemble un peu à Echo Chrome. Je sais pas si tu as déjà joué à ça sur le PlayStation, où on a un petit bonhomme à déplacer qui se promène et on doit justement le faire promener de haut en bas sur des cubes et en déplaçant justement de gauche à droite en perspective les différents cubes sur lesquels il se déplace. J'ai pas joué énormément, mais j'ai déjà essayé ce jeu-là. Effectivement, sur le coup, le nom, je ne le reconnaissais pas, mais là, maintenant, t'en parles. Oui, c'est très basique comme jeu. C'est assez spécial, par exemple, celle-là, parce que c'est vraiment une question de perspective. En tout cas, l'émission est déjà terminée. J'ai pas eu le temps vraiment de parler plus que ça de ce jeu qui est Lost in Shadow, mais ça vaut vraiment la peine sur la Wii. Moi, je donne un 8 sur 10 et ça vaut la peine d'essayer ça. Donc, fin de l'émission, puissance maximale d'aujourd'hui. On remercie Dr. Raymond Poirier qui est avec nous, François qui est avec nous également en début d'émission, Chantal Campagna. Merci beaucoup, Andrew Castegan, d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de jeu. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope. Woo! All right, take it home. Cette année, CKIA célébrait ses 25 ans. Dans mon temps, c'était pas pareil comme aujourd'hui. En 1982,